Tout est ici bas, le fruit d'un ventre rond, plein de vie qui va. Le ventre d'une femme que l'on aime, que l'on est, que l'on s'aime. Mais en silence se déploie les ailes du vaisseau où elles couchent les croix, où ils boivent la sève qui soulève leur plus intrigante émoi. Toutes les femmes ont moi. Éternel, enfant d'une étoile accrochée à un ciel qui les malmène et les vénère à la fois. Foi qui les tue les bas, au nom d'un nom sacré que l'on prononce pas. Car notre père dommage et j'enrage est un humain qui se noie, qui ne regardera pas la fillette aux yeux vides que l'on mariera envers et contre toutes les prières que sa mère prononcera. Toutes les femmes en moi se souverainent. Je suis un peu chacune d'elles. Tout fragile, tout sous-rebelle. Toutes les femmes en moi se mêlent. Les femmes en moi sont éternelles. Enfants d'une étoile accrochée à un ciel qui les malmène et les vénère à la rêve tout un peu des formes de Monroe, du verbe de Javan, du courage de Buteau. Je rêve du jour enfin où un mec perdra les os et où l'on gagnera comme lui le salaire du guerrier, mais aussi le repos. Ce jour d'été suprême où coulera à flot l'eau qu'on suce à la terre et qui nous fait défaut. Ce jour qui peine à arriver alors que dans notre ADN s'inscrivent tous les torts. Et que Dieu se rassure, on ne lui en veut pas. C'est à nos grandes ratures que l'on doit ce karma. Dieu est une femme. Elle nous pardonnera. Elle nous pardonnera. Toutes les femmes en moi sont éternelles.